Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui. Bonjour, je m'appelle Yanis Trudel-Gembourg. Je suis participant au camp de la rivière et porte-parole. Moi, je m'appelle Émilie Laliberté. Je suis participante au camp de la rivière et au camp de formation en désobéissance civile, puis je suis co-porte-parole. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être porte-parole du camp de la rivière? Ça veut dire de parler au nom de la rivière, au nom des participants de la rivière. Être porte-parole pour le camp de la rivière, c'est un peu porter le message que les gens qui y sont en ce moment veulent amener, puis veulent partager dans les médias. Puis c'est ça, c'est vraiment représenter les gens qui habitent le camp au moment même où les entrevues se donnent. Jusqu'à aujourd'hui, quelle a été votre expérience de ce camp de la rivière? J'ai participé à des ateliers sur la barricade humaine, sur l'escalade urbain. J'ai participé aussi à des ateliers sur le soin en manif et à plusieurs conférences qui touchent le camp de la rivière, qui ont été données à l'extérieur. Et aussi une belle expérience avec les gens, une belle communauté, un bel esprit d'équipe. Et c'est ça. Moi, en dehors du camp de formation, j'ai participé au camp de la rivière à ses débuts, c'est-à-dire à l'été 2017. C'est ça, je suis restée un moment, j'ai participé à la mise en place comme de certains événements pour rassembler les différents membres de la communauté de la Gaspésie, des communautés Mi'kmaq. Notamment, j'ai participé au banquet qu'il y a eu à l'automne. Sinon, c'est ça, j'ai fait de la mobilisation dans Gaspé. Puis, plus au printemps, là, comme dans le cadre du camp de formation, sûr que j'ai participé à la vie au camp. J'ai eu comme une petite mini-formation de communication avec les médias, qui est comme un peu un rôle nouveau que j'ai plus assumé pendant le camp. Puis, sinon, comme vraiment dans le cadre comme de la formation des obéissances civiles, ben, j'ai suivi pas mal tous les ateliers qui étaient donnés. Là, puis, c'est quoi le camp de la rivière? Le camp de la rivière, c'est à la base un camp de soutien au camp de la montagne qui originellement était un camp qui s'est formé, en fait qui ont formé une barricade pour empêcher d'accéder aux installations de la compagnie Junex, qui est une compagnie en Gaspésie qui vise à exploiter les hydrocarbures. Et c'est ça, fait que le camp de la rivière s'est formé pas mal en simultané comme en soutien aux gens qui étaient anonymes, qui ont formé la barricade. Puis après le démantèlement de la barricade, puis l'arrestation de Freddy Stoney Point, le camp a persisté pour, dans le fond, créer un lieu d'échange, puis un lieu de rassemblement pour réfléchir puis agir sur la question de l'exploitation des hydrocarbures en Gaspésie. Puis tous les enjeux que ça comporte, à créer un lien avec les communautés qui se battent depuis bien plus longtemps que nous. Puis c'est ça, créer des ateliers, puis c'est ça, un lieu de partage, en gros. En ce moment, il y a des histoires d'injonction. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Ça nous dit que la Cour suprême essaie de bloquer ce qui se passe au camp de la rivière, essaie de bloquer le développement d'un renfort au camp de la montagne, essaie de bloquer un certain développement avec les jeunes pour leur apprendre des choses sur la lutte, sur le militantisme. Donc, ouais, un gros blocage. La Cour supérieure. Tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Qu'est-ce que ça vous dit, l'injonction? OK, qu'est-ce que ça nous dit, l'injonction? Bon, dans le fond, l'injonction qui a été mise contre le camp de la rivière par rapport à son camp de formation, ben, c'est juste, à mes yeux, une instrumentalisation de la loi pour mettre des bâtons dans les roues du camp de la rivière. C'est fait avec des intérêts marchands vraiment clairs. Là. C'est parce que le ministre est clairement comme du côté de Junex, puis essayer de trouver une espèce de façon de casser l'opposition au projet qui se déroule en ce moment dans la Gaspésie. Puis là, ben là, il y a toutes les raisons comme qui ont été invoquées, qui étaient comme que la désobéissance civile, c'est incompatible avec le fait que la formation soit donnée sur les terres de l'État, ce qui est dans le fond une atteinte, vraiment un message très clair par rapport aux libertés d'expression puis de formation, puis de contester des lois dans lesquelles on n'est pas respecté. À mes yeux, l'injonction, c'est un message clair. Premièrement, que le gouvernement n'est pas du bord des citoyens et des citoyennes, qui est du côté des pétrolières. Puis c'est aussi un message clair de comme vous vous opposerez pas à l'ordre qu'on établit, dans le fond. Ouais. Ben moi, c'est clair que je conclurai comme en invitant toutes les personnes qui sont intéressées à s'intéresser sur les enjeux des hydrocarbures en Gaspésie puis au Québec, soit à venir sur place au camp de la rivière ou genre à établir des liens avec les communautés dans lesquelles ces projets-là se dessinent. Puis, ouais, c'est ça, on a besoin de personnes sur place, on a besoin de personnes aussi qui vont apporter une solidarité même à distance. Fait que ouais, c'est une invitation que je lance, que ce soit à participer activement ou juste s'informer, puis c'est ça. Merci.